plan, pero no así. Te iba a querer para siempre, pero casi. Fuimos amor de verano en Madrid sin ti. Y la verdad no me sirve Madrid sin ti. Por fuera digo que estoy bien, aunque adentro duela. Déjame un beso tuyo en mi cartera, que me espera para usarlo si no puedo dormir. Quisiera que esta noche no se acabe. Quisiera que tu beso se me grabe. Si no te vuelvo a ver otra vez, quiero comerte otra vez. Juro que nunca te olvidaré. Quisiera que esta noche, quisiera que esta noche, si no te vuelvo a ver otra vez, voy a comerte otra vez. Juro que nunca te c'est Fun Radio. You know I'm impatient, so why would you leave me waiting outside this nation when it was like minus 4 degrees? And I get what you're saying. I just really don't want to hear it right now. Can you shut up for like once in your life? Listen to me, I think you're nice, there's some advice about how you think I'm gonna die lucky if I turn 33. Come home to me, and don't say I love, cause I got high again, forgot to call my love. And I'm too messy, and then I'm too fucking clean. You told me get a job and you ask where the hell I've been. And I'm too perfect, so I open my big mouth. I want to be me, is that not nosotros. ¿Quién va a hablar si no nos dejamos ver? Y a veces es Dolce, a veces es Bulgari. Cuando te lo quito, después de los parties, las copas de vino, las libras de Mari. Tú estás bien suelta, yo de safari. Tú me ves el culo fenomenal, pa' yo devorarte como animal. Si no te has venido, yo te voy a esperar. En mi cama y lo voy a celebrar. Baby, a ti no me opongo, y siempre te lo pongo. Y si tú me tiras, vamos a nadar el hondo. Si por mí te lo pongo, de septiembre hasta agosto. A mis sin cojones lo que digan tu amiga, ya yo me enteré. Se nota cuando me ve, ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré. Dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé. Y de nosotros quién va a hablar, si no, no te vamos a ver. Mami, me tienes buqueado, sí. Si fuera la Uru, me tuviese parqueado. Dando vueltas por el condado, contigo siempre arrebatado. Tú no eres mi señora, pero toma 5,000, gástalo en Sephora. Louis Vuitton ya no compra en Pandora. Como piercing a los hombres perfora. Hace tiempo le rompieron el cora. Estudiosa, puesta para ser doctora. Pero le gustan los títeres huirleando motora. A ti las 24 horas. Baby, a ti no me pongo, y siempre te lo pongo. Yo te lo pongo. Y si tú me tiras, vamos a nadar en lo hondo. Si por mí te lo pongo, de septiembre hasta agosto. Y a mis rincones lo que digan tu amiga, ya yo me enteré. Se nota cuando me ve, ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré. Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé. Y de nosotros quién va a hablar, si no, no te vamos a ver. Yo soy Dolce, yo soy Bulgari. Cuando te lo quito, después de los paris. Las copas de vino, las libras de Mari. Tú estás bien suelta, yo de safari. Tú me ves el culo fenomenal, pa' yo devorarte como animal. Si no sos venido, yo te voy a esperar. En mi camino voy a celebrar. On profite ensemble sur Fun Radio et dans le prochain quart d'heure, une nouveauté. La première fois que vous l'avez entendu, c'était où? Bah, c'était ici sur Fun Radio. David Guetta et Sia. D'ailleurs, sachez qu'il y a une radio digitale avec toutes les nouveautés. Elle se trouve sur l'application Fun Radio. Allez la télécharger illico presto. Et là, pour le son, c'est Pony Pony Run Run, remix de Bormin sur Fun. Take my time today. Let me find a way. Fun Radio. Rodolphe. Fun Radio. Enjoy this music. Tired of being what you want me to be. Feeling so faithless, lost under the surface. I don't know what you're expecting of me. But under the pressure of walking in your shoes. How deep is your love? Pour écouter vos sons préférés où vous voulez, téléchargez l'appli Fun Radio. not hard to find love for the weekend, but I need something to stay. Give me a heart and I'll promise to keep it. Let's get carried away. Somebody else, been lost all my life, but I'll be alright. Do you believe in shooting stars? Do you believe in shooting stars? Do you believe in shooting stars when you're out there in the dark? Oh, oh, I know. Enjoy dance music. Sun meri jaan jeene se khafa tu hai kyun hone de khata tu jo hai pal yahi. संग में रहूं कितना भी हो अंधेरा और जिक्र हो तेरा मेरी हर दुआ में. Life will be beautiful. Know that you're not alone. We rise and we fall. I see who you are underneath it all. Quelle heure est-il? 3h du mat. Oui, c'est toujours Marine qui vous accompagne sur Fun Radio jusqu'à 5h sans pub. Peut-être que certains réveils viennent de sonner. On va se motiver ensemble sur Fun Radio avec forcément de la dance music, le boss David Guetta qui arrive. Et là, c'est le son de Charlotte Cardin, remix de Rush Avenue. Enjoy. Yeah.

c'est David Guetta. Bonjour Fun Radio, je suis Ava Max. Fun Radio, I wanna be Fun Radio. Enjoy dance music. Don't leave the fate, what's here tonight? Heaven can wait, no use in watching the sky. Don't say goodbye, just hold me tight. Heaven can wait, I wanna dance one more time. Qui fait partie de mes sons préférés. D'ailleurs, sachez que vous pouvez aussi faire le classement de vos 15 sons préférés. C'est dans la Fun List tous les soirs à partir de 20h jusqu'à 21h. Vous faites le classement funradio.fr pour voter. Dans le prochain quart d'heure, un son que vous adorez parce qu'il est dans le classement depuis moult temps. Oh, c'est Bruno Mars qui arrive. Et là, c'est le son de Karl Wine sur Fun. Donne-moi un verso, j'oublierai toutes les autres. Je vois plus tes défauts. Donne-moi un verso, j'oublierai toutes les autres. Je vois plus tes défauts, donne-moi un berceau. Sentimientos, tú y yo ni juntos, yo veo que salmo todo número uno. Mabel, la tu peux compter sur moi, je te raconte pas des histoires, pas des blagues. Donne-moi un beso, j'oublierai toutes les autres. Je vois plus tes défauts, donne-moi un beso. Donne-moi un beso, j'oublierai toutes les autres. Je vois plus tes défauts, donne-moi un beso. Sing it! Sing it! Fun Radio. Enjoy this music. This is fun. No chemicals, just perfect chemistry. Like heaven touch, you leave a mark on me. Écoutez, ça, c'est Fun Radio. Fun Radio. Enjoy this music. Je veux juste savoir, tu irais jusqu'où? De Paris à Tokyo.

Radio. Ah, c'est bon. Chérie, moi j'ai. Chérie, moi j'ai. Mérité le repos minimum 5. VHG invite au minimum 6. Million sur le déco minimum 3. Un minimum 5. Mérité le repos minimum 5. VHG invite au minimum 6. Million sur le déco minimum 3. Santazo, 10 sur 10 c'est la notation. Alepina Cotazo, j'suis numéro 1 sans prétention. Chérie, en vrai, j'ai reçu les contrats. Donc je négocie, t'inquiète, j'ai les contacts pour changer. Je n'ai pas de compte à rendre, j'agis comme si j'avais 2-3 comptes en Suisse. J'suis pas mauvais, j'suis pas mauvais, j'suis pas mauvais. Chérie, moi j'ai mérité le repos minimum 5. VHG invite au minimum 6. Million sur le déco minimum 3. Un minimum 5. Mérité le repos minimum 5. VHG invite au minimum 6. Million sur le déco minimum 3. Un minimum 5. Cotazo. 10 sur 10 c'est la notation. Allez Bina Cotazo, je suis numéro 1 sans prétention. Justice de Dieu, y'en a. Tu peux laisser tomber Boumara. J'ai dit justice de Dieu, y'en a. Repos bien mérité pour moi. J'suis pas mauvais, j'suis pas mauvais, j'suis pas mauvais, j'suis pas mauvais. J'ai moi j'ai mérité le repos minimum 5. VHG invite au minimum 6. Million sur le déco minimum 3. Un minimum 5. Mérité le repos minimum 5. VHG invite au minimum 6. Million sur le déco minimum 3. Un minimum 5. Vos sons préférés à volonté. Téléchargez l'appli Fun Radio. Set me free, why don't you pay? Get out my life, why don't you pay? Yes, you don't really need me, but you keep me hanging up. Set me free, why don't you pay? Get out my life. Don't you pay? 'Cause you don't really love. Enjoy. Dance, dance music. Fun Radio. I had the wildest dream last night in Ibiza, right across from Ushuaia. There was a fucking DJ in the bathroom. It's 9 p.m. on a fucking Friday. It's 9 p.m. on a fucking Friday. Get the fuck, fuck, get the fuck. It's 9 p.m. on a fucking Friday. It's 9 p.m. on a fucking Friday. Get the fuck up. We're going to high. Let's go. The fuck? Let's go. Let's go. La dance music de Jaden Boyzen, David Guetta. D'ailleurs, la dance music, on en aura pour la soirée de l'année. Fun Radio Visa Experience le 4 avril prochain. Et vous pouvez gagner vos places dès que vous entendez deux sons d'Offenbach. C'est le double fun. Fun au 74-900 pour ne pas louper Dimitri Vegas, James Hype, Morten, Offenbach, Robin Schulz, les Chotek. Ça va être une folie. Et justement, on se met dans l'ambiance. C'est le dernier Dimitri Vegas sur Fun Radio. Peace up, A-Town down. Fixing my head. Fun Radio. Radio. Enjoy dance music. I forgive you, now it's time for me to move on. I fall to life, slip out of fear. There's a night, blue as the sea. This is Fun Radio. Première radio dance. Suis-moi, je veux la suite. Allez, fais-moi bisous, partout. Allez, bisous. Oh, je veux, on s'en fout. On s'en fout. Fais-moi bisous, partout. Allez, bisous. Oh, je veux, on s'en fout. Allez, maman. Fais bisous, partout. Allez, bisous. Oh, tu veux, on s'en fout. On s'en fout. Fais-moi bisous, partout. Allez, bisous. Oh, tu veux, on s'en fout. Allez, voilà. Baby, t'es câlin, m'en fais prendre un coup. Toi, fais-moi câlin, et moi, je fais des sous. Laisse les vers les malins, le plus stylé. Et quand tu passes devant, toutes les autres ladies s'effacent. Encore une night, top. Éteins les lights, top. C'est toi mon cadeau. Faut pas que tu tombes, love. Hey baby, si je te touche, tout d'un coup, tu vas m'aimer. Donne-moi rendez-vous, j'ai du goût, je veux goûter. Pourquoi perdre du temps? Non, non, je veux tout de suite. Dis-la que t'es déjà prise. Suis-moi, je veux la suite. Fais-moi bisous. Allez, bisous. Où tu veux, on s'en fout. On s'en fout. Fais-moi bisous partout. Allez, bisous. Où tu veux, on s'en fout. Allez, maman. Fais bisous partout. Allez, bisous. Où tu veux, on s'en fout. On s'en fout. Fais-moi bisous partout. Allez, bisous. Où tu veux, on s'en fout. Allez, voilà. Tu connais, c'est toujours le même. Jump dans la question, en place pour les changements. Ouais, mec de test, faudrait belle DS. Yes. Ouais, mec de test, faudrait belle DS. Yes. Mêlée, je veux du TT. Yes. Aux formes de ton corps, j'avoue, j'ai cédé. Eh, bébé, je veux tout. Allez, switch. Babe, on s'en va. Prendons ça qu'on s'en va. Je sais que tu veux pour toi. Tu dis rien, tes yeux pas. Eh, babe, on s'en va. Prendons ça qu'on s'en va. Ce soir, on le fait. 2, 3, 4, 5 fois. Baby, si je te touche, tout d'un coup, tu vas m'aimer. Donne-moi rendez-vous, j'ai du goût, je veux goûter. Pourquoi perdre du temps? Non, non, je veux tout. Suis, dis-la que t'es déjà prise. Suis-moi, je veux la suite. Fais-moi bisous. Allez, bisous. Oh, je veux, on s'en fout. Fais-moi bisous partout. Allez, bisous. Oh, je veux, on s'en fout. Allez, maman. Fais bisous partout. Allez, bisous. Où tu veux, on s'en fout. Fais-moi bisous partout. Allez, bisous. Où tu veux, on s'en fout. Allez, bisous, bisous. Bisous, bisous. Elle là, elle là, elle là. Oh, such a blaster. But I'm feeling so electric, down to awesome. And even if I wanted to, I can't stop. Yeah, yeah, yeah, yeah. My love is like a rocket, watch it blast off. And I'm feeling so electric, dance my ass off. And even if I wanted to, I can't stop. Yeah, yeah, yeah, yeah. You want me, I want you, baby. My sugar boo, I'm levitating. The Milky Way, we're renegading. I got you, moonlight. You're my starlight. I need you all night. Fun Radio. Hop les 4h du matin, toujours Marine qui vous accompagne sur Fun Radio jusqu'à 5h avant de retrouver Samy avec les meilleurs moments de Bruno sur Fun Radio. En attendant, on profite avec de la nouveauté Kygo One Republic qui arrive dans le prochain quart d'heure. Et là, c'est aussi de la nouveauté, c'est Upsilon sur Fun. Oh Dios, cuando más me divertía, yo empezaba a vacilar. No sé de dónde una los ojos puestos encima. Todo el mundo que hace coro porque ahora está arriba. Era lo que el azar no me decía. Todo el mundo está en la buena, pero en la mala. Un paso a un lado, todo el mundo ala. Todo el mundo está en la buena, pero en la mala. Un paso a un lado, todo el mundo ala. Con todo el mundo encima. Video y fotos me tiraban con la copa en mano, todito brindando. De repente una voz me decía, está bien hijo mío, que están celebrando. Que yo veo aquí todo el mundo en alta, pero por dentro sé que tú estás llorando. Querías dinero y fama, pues aquí tienes. Esta gente está solo cuando les conviene. Los pan y las mujeres se miran cuando se acabe. El dinero va y viene, pero el tiempo nadie sabe. Yo estaba en un vacilón. Yo estaba en un vacilón. Oh Dios, cuando más me divertía, yo empezaba a vacilar. No sé de dónde una voz vine a escuchar. Te rodea la envidia y también la hipocresía. Tienes todos los ojos puestos encima. Todo el mundo que hace coro porque ahora está arriba. Era lo que el azar no me decía. Un paso a un lado, todo el mundo ala. Todo el mundo está en la buena, pero en la mala. Un paso a un lado, todo el mundo ala. Cuando no estén hoy, manito, ni las moscas quieren estar al lado tuyo. ¡Bajo mundo! El único que se queda es el barbú que está ahí arriba. Llévate de mí. J. Cross. Shadow Towers. Directamente desde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si te da consejos buenos, a quien lo mires, a quien dale la mano al caído. Y si acaso mi hermano ha sido, dale la mano también. Nuevo son Fun Radio. Caigo. We're One Republic. We're my new singles on Fun Radio. Jason Paradise. This is Fun Radio. Wide road. Got me thinking back to when we were young. And lately I've been feeling it in my bones. Knew I'd be coming home again. Oh, twisted heart. Don't get jaded, just go back to the start. And don't you worry how all of it ends. Know where we're headed in the end. One day we'll throw our hands in the sky, watch the stars as they fly over you and I in paradise. Running wild with the wind, feeling high, breathe it in, yeah, we come alive in paradise. I'm chasing paradise with you. Time slipping by. It's a river, darling, swim, do or die. Yeah, I know we all get lost in this tide, but we're dancing in. Paradise, running wild with the wind, feeling high, breathe it in. I'm chasing paradise with you. Chasing paradise with you. Fun Radio. This is fun. This is Fun Radio. Fun Radio. Enjoy dance music. Let go. Ella a mí que me encanta el problema. Quiero robarte si fueras ajeno. Ella diosa pero blasfema. Por ti yo pagaré la condena. Que te adore no quiere decir que me enamore. No. Que estás buena quiero darte pero no flores. No. Se nos dio, y ahora estamos aquí los dos. Tus labios con el like, y tu cuerpo me venció. Yeah. Me entrego a la tentación. We had the love we shared. This is what we're waiting for. Radio. It's your ball. Hi, this is Ina on Fun Radio. Let it down, step, step. Look how long me and you can connect. Fun Radio. Buddy, talk to me. Baby girl. Just slow it down, let your body speak. Speak. I know that timing is everything. Got me weak. All I got is infinity. Let your body speak. I know that timing is everything. Everything. All I got is infinity. Infinity. You got the vibe and I'm feeling you, girl. Missing my flight cause you show me the world. Your body be talking, I love what I heard. If this is the night, then just give me the word. Give me the word, show me a sign. Tell me you ready and I'll make you mine. And what I'm sipping and this ain't no lies. Real talk, girl, when me looking at your eyes. I can't see you overanalyze everything, girl. Cause you can't put your trust in everything. But it's a must cause your body keep flirting. Make the rhythm just keep on working. Baby girl, I'm hurting, cause your body does keep on twerking. But your eyes keep looking and lurking. I got all the time in the world. Let it talk to me. Set it. Just slow it down, let your body speak. Turn it up. I know that timing is everything. Let's do this. How long I got is infinity. Infinity. Let it talk, step, step. Baby girl, don't you worry, not fret. Let it talk, step, step. Look how long me and you fi connect. Let it talk, step, step, yeah. Shake it up, don't you worry, not fret. Let it talk, step, step, yeah. Look how long me and you fi connect. Hold on tight. Baby girl, come in love when you brace it back. Tell the DJ, turn it up, max. Blast it up, ain't no turning back. So long. I got this love to give you one time. And boy, you're moving so fine. You got me losing my mind. Let it talk to me. Just slow it down, let your body speak. Right away. I know the timing is everything. No play, no play. All long I got is infinity. Nah, straight up with you. Let it talk, step, step. Woo. Baby girl, don't you worry, not fret. Let it talk, step, step. Look how long me and you fi connect. Let it talk, step, step. Shake it up, don't you worry, not fret. Let it talk, step, step. Look how long me and you fi connect. Vous accompagne sur Fun Radio avec vos sons préférés. D'ailleurs, il y a une demande de Caroline sur le WhatsApp de Fun, le 06 43 07 12 89. Elle est en train de taffer, elle me dit ce que tu peux passer. Tiesto, I follow rivers. Eh ben, c'est comme si c'était fait. Il arrive dans le prochain quart d'heure sur Fun Radio. Et là, il sera présent à Fun Radio Biz Experience le 4 avril prochain. C'est le nouveau Robin Schulz sur Fun. I don't ever wanna see you anymore. Écoutez Fun Radio. It's Fun Radio. C'est Fun Radio. Fun Radio. Enjoy Dance Music. walls always coming to an end. Yeah. Don't let it scare you out of living. Yeah. Look at me, mom, against all odds, a little baby boy did it. Escape poverty, did it. Hit the lottery, did it. I let all these boys do the rapping. Me, I'm a man of my word. I live it. Every day I say thank you. Every day I give thanks. Every day's Thanksgiving. Living is giving. Introduce NASCAR to a new culture. Winning. Every second, every minute, every hour, every day, every year, I'm here. Just live your life like Frank Sinatra your way and have it's no fear. Just get it's up and get it. Le son de Pitbull qui vous accompagne sur Fun Radio. Et si vous kiffez ces sons, bah vous savez ce qu'il y a. Une radio digitale exprès pour ça, Fun Radio Pitbull, avec les classiques, les nouveautés. Rendez-vous sur l'application Fun Radio pour la suite du son. Felix Jane, et là c'est la dance music de Morten avec David Guetta sur Fun Radio. Put your hands up for Detroit, a lovely city. Vos émissions préférées. Téléchargez l'appli Fun Radio. Capture effortlessly, that's the way it was. Happened so naturally, I did not know it was love. The next thing I felt was you holding me close. What was I gonna do? I let myself go. And Now we're flying through the stars. I hope this night will last forever. Around me, then you put your charms around me. We stare into each other's eyes, and what we see is no surprise. Got a feeling lost for treasure, and a love so deep we cannot measure. Elle me dit j'ai un nouveau mec, à part ça y'a un nouveau hein. Elle dit qu'elle me déteste, les abeilles viennent croquer sans plus le miel hein. J'suis dans un mauvais mood, elle m'a pris pour un type un dev. Tu sais qu'à la base c'est nous, même si tout était avec un autre. Vrai reconnaissent vrai, oublie les autres on déteste les ingrats. On donne du cœur, sans attendre un retour donc on fente les ingrats. Vrai reconnaissent vrai, oublie les autres on déteste les ingrats. On donne du cœur, sans attendre un retour donc on fente les ingrats. Ça y est nouveau, hein. Elle dit qu'elle me déteste, les abeilles viennent croquer sans le miel hein. J'suis dans un mauvais mood, elle m'a pris pour un type un dev. Tu sais, qu'à la base c'est nous, même si tout était avec un autre. Vrai reconnaissent vrai, oublie les autres, on déteste les ingrats. On donne du cœur, sans attendre un retour, donc on fente les ingrats. Vrai reconnaissent vrai, oublie les autres, on déteste les ingrats. On donne du cœur, sans attendre un retour, donc on fente les ingrats. Yeah. Fun Radio. MC Team Energy P qui vous accompagne avant de retrouver dès 5h Samy avec les meilleurs moments de Bruno sur Fun Radio. Il y aura aussi votre horoscope, comment va se passer votre journée. Réponse tout à l'heure à partir de 5h pour la suite du son Coldplay BTS. Et là c'est Lost Frequencies sur Fun Radio. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? When the morning comes, I watch you rise. paradise they couldn't capture. That bright infinity inside you. 매일 밤 내게 날아가 꿈이란 것도 잊은 채 나 웃으며 너를 만나. Never ending forever baby. When I'm without you, I'm crazy. 자, 어서 손을 잡아. We are made of each other, baby. You, you are my universe and I. Fun Radio. Fun Radio. Crétin, y'a pas de magie. On se souvient, on prend tout comme ça, y'a pas de gâchis. Pas de semblant, full baby dans 4 matiques. Elle habite solo et ça c'est fantastique, ça c'est méchant. Y'a les babies, c'est large et c'est crazy. J'ai ton épaule, dis-moi, tell me. Si je t'ai poussé, money, pay me. Yo, Judas, précis comme le sable de Yakuza. Si tu marches, with me, babe, c'est tout droit. Ta carte des blagues, disons alléluia. Da, da, da. Yo Judas, précis comme le sable de Yakuza. Si tu marches with me, babe, c'est tout droit. Ta carte des blagues, disons alléluia. Da, da, da. Baby, je le tale, vini. Da, da, da. Vini, vini, batte, me. Drive all en bord, vini. Da, da, da. Chéri, nous sous ça. Campé, da, da, da. Pamele, pamele. Full BBL, baby. Chérie, nous sous ça. J'ai des vents chantés. Le cabis a plus les compter. Remercie des bras qu'on a la santé. J'monte pas, baby, sinon y'aura trop de débats. Allez, trop talent. Puis le vent de rose n'est rien trop tard. Le spinet m'a dit je t'aime mais c'est trop marrant. Si cette bitch m'a dit je t'aime mais c'est trop marrant. Mais c'est trop marrant. Yo Yoda, précis comme le sable d'un Yakuza. Si tu marches with me babe c'est tout droit. La carte est blague disons alléluia. Yo Yoda, précis comme le sable d'un Yakuza. Si tu marches with me babe c'est tout droit. La carte est blague disons alléluia. Baby, je le temps, vini. Vini, vini, pas timide. Rêve en Lamborghini. Chérie, nous sommes ça, campé. Famille, famille. Full BBL, baby. Famille, famille. Chérie, nous sommes ça, campé. Baby, je le temps, vini. Vini, vini, pas timide. Rêve en Lamborghini. Chérie, nous sous ça, campé, famille, famille, full BBL, baby, famille, famille, chérie, nous sous ça, campé, Radio. Si te quieres divertir. Estás buena, yo estoy bueno también. Huelo rico y ando con los de 100. Si tú lo quieres, lo tienes que mover. Lo tienes que mover. Lo tienes que mover. Lo tienes que mover. Lo tienes que mover. Yeah! Enjoy dance music. Fun Radio. Take a seat. Right over there, sat on the stairs, stay or leave. The cabinets are bare and I'm unaware of just how we got into this mess. Got so aggressive, I know we meant all good intentions. So pull me closer, why don't you pull me close? Why don't you come on over, I can't just let you go. Oh baby, why don't you just meet me in the middle? I'm losing my mind just a little. Kitchen floors are wet and taps are still running, dishes are broken. How did we get into this mess? Got so aggressive, I know we meant all good intentions. So pull me closer, why don't you pull me close? Why don't you come on over, I can't just let you go. Oh baby, why don't you just meet me in the middle? I'm losing. Regardless of my objection, uh-oh. And it's not about my pride. I need you on my skin, just come over, pull me inches. Oh, baby, why don't you just meet me in the middle? I'm losing my mind just a little. So why don't you just meet me in the middle? In the middle. Radio. Enjoy dance, dance music. Wake up. Jeudi aujourd'hui, c'est le 20 mars, la famille, soyez les bienvenus sur Fun Radio, il est 5h pile, bon réveil et bon courage pour le boulot qui vous attend. Allez, encore deux jours et c'est le week-end, force à tous. En attendant, on se motive avec le son de Fun Radio, Gims, sois pas timide, ce sera dans le prochain quart d'heure. Et puis au programme dans le best-of du jour, on va revivre ensemble évidemment les meilleurs moments de Bruno sur Fun Radio. On va se refaire le zoom de Pino. Hier, on est revenu ensemble sur l'année 1994. Il y aura aussi l'argent ou la boîte. Hier, c'est Julie qui a dû faire un choix. On verra ensemble si elle a fait le bon. Et bien évidemment, je vous filerai votre horoscope du jour. En attendant, voici Messi. C'est Lola Yang sur Fun Radio. Bon jeudi, la famille. You know I'm impatient, so why would you leave me waiting outside the station when it was like minus 4 degrees and I get what you say. I just really don't wanna hear it right now. Can you shut off the light once in your life? Listen to me, I think you've nice words of advice about how you think I'm gonna die lucky if I turn 33. Come home to me and don't say hello. When I've been out walking around so full days, just one bottle of wine or two. but hey, you can't even talk. You smoke weed just to help you sleep, then why you out getting stoned at 4 o'clock? And then you come home to me and don't say hello. Mais pas dans ta story, j'suis blacklisté sur Belize. Sur le côté VIP, que des 10 sur 10, j'suis dans la zone à risque. D'une façon plus poétique, t'es mon oasis dans cette capitale aride. Capitale aride, alors on s'éclipse dans la zone à risque. Oh. À tes côtés, à mes côtés, à tes côtés, à mes côtés, à tes côtés, à mes côtés pour l'éternité. À tes côtés, à mes côtés, à tes côtés pour l'éternité. À tes côtés, à mes côtés, à mes côtés pour l'éternité. Vous êtes branchés sur Fun Radio la famille, merci d'être là, c'est jeudi aujourd'hui le 20 mars, bon réveil, moi c'est Samy, je vous accompagne comme d'hab jusqu'à 6h. Robin Schulz, World Gone Wild, ce sera dans le prochain quart d'heure. Après Calvin Harris, Smoke the Pain Away. Oh, I can't smoke the pain away. Mais chaque chose en son temps. Avant ça, c'est parti pour votre best-of. Best-of qui démarre directement avec un jeu que j'aime beaucoup. C'est le 7e ciel. Et hier, Alexandre et Marie ont tenté de l'atteindre. Voyons ensemble s'ils ont réussi. Fun Radio. Le 7e ciel. Chaque matin, un couple s'associe pour tenter de repartir avec un cadeau qui se partage en couple. C'est le principe du 7e ciel. Et pour jouer avec nous ce matin au 7e ciel, nous avons Alexandre. Bonjour Alexandre. Bonjour, bonjour. Salut Alex. Alexandre, salut. Tu habites où? Tu fais quoi dans la vie? Eh bien, j'habite à Dijon. Je suis responsable de secteur pour des agences d'intérim et de recrutement. Ok, très bien. Tu es en couple avec Marie qu'on accueille. Bonjour Marie. Bonjour. Salut. Coucou Marie. Marie à Dijon également, bien sûr, conseillère en gestion de patrimoine. Je parlais tout à l'heure d'un journal, on est en train de se marrer, Le Bien Public. Vous l'avez aussi à Dijon? Bien sûr. Ouais. C'est ce journal. Demain, si c'est la fin du monde, vous l'apprendrez juste après les pages au sport. Oui, exactement. C'est pas, sans déconner, t'as les mots fléchés et t'as la Russie. Après. Mais bien sûr. Je vous jure. À chaque fois que je vais en Bourgogne, je lis Le Bien Public. Mais j'adore, ah, mais attention, je suis pas en train de me moquer. J'ai lu pendant 3 ans. Mais bah, okay. En première page, t'as un agriculteur, tu vois, qui a été vandalisé et on a volé, on a écrasé, par exemple, avec une voiture, une partie de son champ de maïs. Mmh. D'accord. Donc ça fait une page. En deux, t'as les commerces d'Autun qui ont eu un problème avec une fuite de gaz dans une rue, avec le capitaine des pompiers. Tout à fait. On est juste, vous m'arrêtez, Alexandre Marie, si je dis des bêtises. T'as les sports ? Non, c'est bien ça. En page 3, t'as l'entraîneur du FC Guignon qui espère retrouver la superbe, etc. Parce que le stade, quand même, était super à l'époque où il jouait en Coupe d'Europe. Ensuite, t'as les morts du coin. Alors, très là, important. T'as les morts. Et deux pages. Beaucoup de gens. Deux pages. Ensuite, t'as une page de pub. Voilà. Pour local. L'agence Orpi de Montceau-les-Mines. Donc, ça fait une page avec la photo des gens qui bossent à l'agence Orpi, qui sont un peu les stars du moment. Voilà. Après, t'as le sport, voilà. Mais le sport local. Les le résultats, club, machin, voilà. Le lundi. Ensuite, t'as une page d'annonce, le loto. Bien sûr. Qui aura lieu à Bourbon-Lancy, à côté du casino. Les petites annonces, l'horoscope. T'as l'horoscope. L'horoscope. Et ensuite, le coup de fil entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Voilà, c'est ça. Ça, c'est le. Et tu le lis pas parce que t'es déjà bien crevé. Ouais, et du coup, toi, tu t'es arrêté au loto. Tu sais quoi, tu dis voilà. Et puis, à un moment, ça va tout péter autour de l'auto. Tu dis, je comprends pas, ils en ont pas parlé dans le journal. Merde. Belle description du Bien Public. C'est bien ça. Ben oui, mais Alexandre Marie, c'est l'avantage que vous avez. En écoutant Fun Radio, tu sais, des fois, on dit, ouais, c'est une radio, vous êtes des Parisiens, etc. Mais on vient tous de province, sauf Karina, qui est vraiment parisienne. Mais sinon, on est tous de région de France, donc on les connaît. Allez, Alexandre Marie, la règle est simple. Je vous pose 6 questions. Vous avez des bonnes réponses à chaque fois. Vous gagnez le séjour. Le seul truc, c'est que vous jouez à tour de rôle et on rajoute une bonne réponse à chaque question. D'accord ? Ok. Alexandre, voici la première question. Premier. Donne-moi un prénom d'un ou d'une de tes ex. Vanessa. Ok, très bien. Faites gaffe aux hésitations. Hein, parce que c'est facile. Hein. Marie, deuxième question. Deuxième. Donne-moi le nom de deux villes situées en Italie. Rome, Milan. Très bien. Alexandre, troisième question. Troisième. Donne-moi trois races de chiens. Labrador, Chihuahua et Spitz. Très bien. Marie, quatrième niveau. Quatrième. Donne-moi quatre fruits sans noyau. La pomme, la poire, la banane et la framboise. Oui. Bravo. Alexandre, cinquième niveau. Cinquième. Donne-moi cinq températures positives. 3 degrés, 4 degrés, 5 degrés, 6 degrés, 7 degrés, 8 degrés. Très bien, très bien, très bien. Fais pas le malin, Alexandre, fais pas le malin. Marie, tu sais que si vous gagnez, vous pouvez avoir un petit encart dans le Grand Public. Hein. Vous pouvez avoir en couple. Bon, bien sûr. En couple, il gagne sur Fun Radio chez Bruno Guillon, c'est possible. Il a marqué Dijon, 2 points. Marie, 6e niveau. 6e. Donne-moi 6 goûts de sorbet pour une glace. Fraise, framboise, pêche, abricot, banane, pomme, poire. Très bien, très bien, très bien. Oh là, et gagné. Allez, vous allez vous faire kiffer, Marie-Alexandre. Vous étiez super sympa. Super. Ça fait plaisir de vous entendre gagner. Trop bien. Mille merci. Vous êtes géniaux. Merci beaucoup. Vous écoutez Fun Radio. Sparkle ice on in June. Roll up and wait for you. Wide awake in a hotel room, thinking all what I could do. Too late, I've been up for days. I can't even see straight. No, I can't smoke the pain away. We'll be right back. street. I know the mirrors on my feet. I know that in my phone. I know welcomed into my home. Robin Schulz on Fun Radio. Dance music. We were talking outside till the sunrise. We stood on the edge of a new life. In the dark alleyway felt like a paradise. Never been the same ever since that night. Vous avez choisi Fun Radio pour attaquer votre jeudi matin et c'est pile ce qu'il fallait faire les copains. J'espère que vous allez bien et que vous avez bien dormi. Si c'est pas le cas, pas de panique, je suis là pour vous. Avec moi, il y a le son de Fun Radio dans le prochain quart d'heure. Bailar de Oro. Juste après ça, Charlotte Cardin, Feel Good, remixé par Rush Avenue. Mais en attendant, on poursuit ensemble le best-of de Bruno sur Fun Radio. On revient ensemble les meilleurs moments de l'émission d'hier. Et croyez-moi, il y en a eu plein. En parlant de ça, on continue directement avec le zoom de Pino. Un zoom sur l'année 1994. Ça donnait ça, écoutez. Fun Radio. Zoom sur, zoom sur. 1994. Matin avec Pino, on joue avec une année. Tu crois que je suis fier de faire ça? Non, c'était très bien. Bah non. On joue avec une année. Ce matin, c'est l'année 1994. C'est l'année de Reel to Reel. Et en 94, on écoutait ce titre qui en France s'appellerait Rue de Rocamadour. Voilà. j'ai trouvé que ça comme blague. J'ai une passion pour Bruce Springsteen. Il n'y a rien au-dessus. Mais il t'adore aussi. Il te regarde tous les matins sur France 2. Je l'appelle, je suis en téléphone. Décidément, trop fort. Tu sais quoi, je vais appeler Bruce Springsteen. Si vraiment il n'y a que ça pour toi, je vais appeler Bruce Springsteen. Il n'y a pas de problème. Et en 94, on parlait des enfants et leur personnalité préférée. Cette émission était la préférée des enfants. Question de rapidité, vous êtes prêts? Générique. Sorcier. Ouais, allez, bonne réponse. Allez, chauffe, Marcel. C'est trop bien, ça. Avec Jamy Gourmand, Frédéric Courant et Sabine. Il y avait Sabine également, bien sûr. Excusez-moi. Alors, mais j'appelle Bruce Springs. Ah, Bruce! Yeah, Bruno, how are you? Fine. C'était juste pour te dire bonjour, du coup, Bruce. T'es aux États-Unis? Okay, hello. Hello, la France. Hello. Merci Benjamin. Bruce, pardon, excuse-moi. Oh merde, je me mélange. Oui, c'est son deuxième prénom. Allez, hop, un autre. En 94, un mec conjuguait le verbe je t'aime. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerais. Je crois que tu avais le numéro de Francis Cabrel. Non, je l'ai pas. J'ai le numéro des vannes trop longues. Et en 94, un fait divers tragique a eu lieu dans le milieu du sport, si je vous donne un indice, patinage. Ah, oh, ben c'est bien sûr, c'est celle qui a cassé la jambe de l'autre, là, la blonde et la brune. Ah, oh, comment elle s'appelle elle, déjà? Nancy Kerrigan. Mais oui. Elle a été agressée par Nancy Kerrigan, par Tonya Harding. Tonya Harding, qui était sa rivale. Et donc, dans les vestiaires, flink, coup de barre dans les genoux. Super film avec Margot Robbie sur cette affaire sur Netflix, je vous le conseille. Exactement, moi Tonya, qui est sortie en 2017. Oui. Ah ben excusez-moi, parce que là, pour le coup, c'est pas moi qui appelle, c'est mon téléphone qui sonne. Oui, allô? Ouais, bon bruit, c'est Francis. Alors attends, j'attends le dernier parce que c'est énorme. Francis, je t'embrasse, t'es à Stafford? Ouais, je t'embrasse, mon bruit, waouh, la cabane au fond du jardin. Voilà, bien sûr. En 94, si la drogue était du sucre, il aurait le diabète. Allez. Ah ben, mais. Ah, ça, je crois que tu l'aurais. Ouais, tu l'adores. Voilà. Allô, Snoop? Yeah, Bruno. Ok, yeah, room again. Run again, ouais, super. Bon. Alors, Snoop Dogg qui cartonnait, il a voulu privatiser un endroit pour. Attends, pour il a pas laissé parler. Il doit connaître la réponse, à mon avis. Snoop, alors, t'as privatisé un endroit, tu te souviens duquel ou pas, Snoop? Ouais, il a fumé. Non, il voulait privatiser le Liechtenstein. Le pays. Il aurait jamais dit. Non, ça tombe bien qu'on ait raccroché. Il aurait jamais réussi. Ça, je peux te dire, je le connais. Ça, le show, il ne le passait pas. Vous écoutez Fun Radio. Y'a ma main dans la fenêtre, Titanic. Y'a des choses que je comprendrai jamais, pyramide. Et j'ai pensé tomber contre toi, Italique. J'entends toujours le son de ta voix qui m'invite, mon amour. Sexy, you make me feel nice. Rissant every time. Découvrez nos podcasts exclusifs. Téléchargez l'appli Fun Radio. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Despacito, mami, yo sé que te va a encantar. Mueve, dale, vamos. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Mueve, dale, más sabrosito. Vamos a bailar. ¡Qué la cosa! Merci d'avoir choisi Fun Radio pour sortir du lit ce matin, les copains. C'est exactement ce qu'il fallait faire. Je m'appelle Samy, je vous accompagne comme d'hab jusqu'à 6h. Rosaline, ce sera dans le prochain quart d'heure avec Snap. Juste après Martin Garrix. Told you so. Mais pour l'instant, on continue ensemble le best-of de Bruno sur Fun Radio. Best-of qui continue avec un jeu que j'aime beaucoup, c'est l'argent ou la boîte. Hier, c'est Julie qui a dû faire un choix. Voyons ensemble si elle a fait le bon. Fun Radio. L'argent ou la boîte. Julie a été la plus rapide ce matin au standard. Bonjour Julie. Bonjour Bruno, bonjour toute l'équipe. Salut Julie. Tu habites au Havre, tu fais quoi dans la vie au Havre? Je suis gestionnaire administratif dans une mutuelle. Ok, très bien, bah, tu viens de gagner 500 euros. Bravo. Merci. Tu as été rapide, hein, rapide et efficace, tu vois. Et hop, un SMS, 500 balles, merci, la journée est bonne. Exactement. Sauf, évidemment, Jade, si tu fais un autre choix. Car oui, il y a un autre choix possible. Oublier les 500 euros... qui sont les tiens, là encore, quelques secondes, oui. Et choisir le contenu d'une boîte mystère. C'est pour ça que ce jeu s'appelle l'argent ou la boîte. Il y a un choix à faire. Soit tu es sûr de 500 euros, tu vois, soit tu peux tenter plus. Mais ce plus peut être également un moins. J'ai devant moi une boîte. Une boîte qui est fermée par une chaîne. Cette chaîne est cadenassée et à l'intérieur, déposée par un huissier, il y a un cadeau. Je ne sais pas quel est le cadeau à l'intérieur de la boîte. Hier... Tracy a joué avec nous, elle a choisi la boîte, elle a gagné 9 cartons, un carton pour un loto dans un village dans le sud de la France alors qu'elle habitait dans le nord. Bah donc, c'est ça. Ça peut arriver, ça peut arriver. Mais des fois, on a déjà eu 3, 4 ou 5 000 euros dans la boîte. La question est la suivante. Et tu as 10 secondes pour répondre, Julie, en ton âme et conscience. Est-ce que tu choisis l'argent ou la boîte? Est-ce que tu je veux qu'on boîte. Fasse... Oh là, non, je prends direct. La boîte, je suis joueuse. Ok, d'accord. Je suis joueuse. Même j'en ai trop besoin d'argent, mais je suis joueuse. C'est ça le problème, quand tu dis j'ai trop besoin d'argent. Moi j'aurais pris la boîte aussi aujourd'hui, je le sens. Voilà, moi, merci Pino. J'aurais gardé les 500 balles, moi. Non. Carina, t'aurais fait quoi? Ah, j'aurais pris la boîte aussi. Oui, voilà, on prend la boîte. Nouveau. Allez. Moi, j'aurais pris les 500. Ouais. Bon, t'es à 50-50. Dans la boîte, je regarde ce qu'il y a. Ok, je sais ce qu'il y a dans la boîte. C'est quoi ce qu'on entend derrière? C'est des enfants qui crient. C'est mon fils, je suis désolée, mon fils de 3 ans, il veut sa mère. Mais prends-le dans tes bras, oh là là, c'est normal. Voilà, super. Vas-y, voilà. Vas-y, prends-le. Voilà, c'est bon, il est avec moi, Léo. Voilà. Oui, c'est mal. Je suis désolée. Mais il n'y a pas de souci. Léo, il a quel âge, Léo? Léo, il a 3 ans, Léo. D'accord, t'as combien d'enfants? J'en ai deux, un de 8 de 7 ans et un de 3 ans. Bah dis donc, mauvaise nouvelle, t'as refusé les 500 euros, tu pars en famille pendant 2 jours au parc Astérix. Oh, super, merci beaucoup. On part au parc Astérix, les enfants, trop bien, merci beaucoup. De rien, entrez pour 2 jours sur le parc, la nuit à l'hôtel Les Trois Hiboux. Ça vaut 700 balles, je suis ravi, Julie. Oh super, merci beaucoup, je vous écoute tous les matins, continuez comme ça, merci pour tout. Je te fais de gros bisous, belle journée. Moi aussi, ciao. Gros bisous, bonne journée, bisous. Est-ce que ça fait plaisir? Fun Radio. I'm a fun radio. I'm a fun, radio. Something in my body, something that's in my soul, tells me you're somebody, someone I need to. So, okay, all night been looking all my life, trying to find something new. So lost, but I will find my way tonight, and I know it's because of you. Something that's in my soul tells me you're somebody, someone I need to know. No, I can't leave this alone, if I just let this go. Don't wanna hear my heart say, I told you so. It's 4 a.m. I can't turn my head off. Wishing these memories will fade and never do. Turns out people lied. They said just snap your fingers. As if it was really that easy for me to get over you. I just need time. I'm writing a song, said this is the last one. How many last songs are left? I'm losing count. Since June 22nd, my heart's been on fire. I've been spending my nights in the rain trying to put it out. So I'm snapping 1, 2, where are you? You're still in my eye. Snapping 3, 4, don't need you here anymore. Get out of my before I snap, snap, snap. Oh, I might stop talking to people before I. Fun Radio. Radio. Petit Biscuit, Surf Mesa et JP Sykes. Fun Radio. I try to redirect my focus to keep you off my mind. Somehow in everything I notice a little bit of you there left behind. It's burning up in my mind. Told me it's time I find out. Without you. Toujours à l'écoute de Fun Radio, la famille. Bon jeudi, les copains, et bon courage pour le taf qui vous attend. C'est Samy avec vous jusqu'à 6h. Sia Unstoppable, ce sera dans le prochain quart d'heure. Après Anima. Avec Ellie Goulding pour bien démarrer la journée. Hypnotized. Et puis votre horoscope du jour qui arrive également juste après ça. Bougez pas, la famille. Fun Radio. Number one. La radio numéro 1 sur la dance. Écoutez les meilleurs sons. Fun Radio. Enjoy dance music. Accédez gratuitement à la meilleure playlist en téléchargeant l'appli Fun Radio. Tous les jours à 20h, c'est la Fun List. Fun List. Le classement de vos 15 titres préférés sur Fun Radio. Tu m'avais pas dit que c'était une magicienne. Une heure avec tous les tubes et les meilleures nouveautés à connaître absolument. Alors, qui sera numéro 1 ce soir? À vous de voter sur funradio.fr. C'est la Fun List. Tous les jours à 20h sur Fun Radio. Fun Radio. With words, I'm in for better or for worse. Like heaven touch you, leave a mark on me.